traumatisé. Ça coupait dans la cuisine et m'a maquisé. Et au quartier, couteau aiguisé. Un poteau peut devenir un poteau déguisé. Foutu bénéfice. Faut qu'on s'organise. N'arrête les bêtises. Héros fils. Foutu bénéfice. Faut qu'on s'organise. N'arrête les bêtises. J'avais pas moi que j'allais monter haut. J'sortais de chez moi, je croisais la Mondeo. À tout moment c'était poursuite, trop déo. Que des histoires de fous dans mon ghetto. J'peux côtoyer des gens calibre le dîner. Ce qu'ils ont fait avant ça, tu peux pas le deviner. Ce qu'ils m'ont oublié pour délire des billets. J'ai coupé les ponts, même les robinets. Tu vois le bloc d'en face sur mon miroir. Tu chutes des balles qui traînaient dans le tiroir.